Savez-vous réellement d'où viennent tous les aliments que vous achetez en supermarché? Restez avec nous pour comprendre un peu ce qui se cache derrière l'origine des produits que vous consommez. Entre importations, accords commerciaux, durcissement des normes de production, nous allons vous éclairer le sujet aujourd'hui. L'agroécologie. On m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes sur l'émission Agro J'écoute sur Campus FM avec Jules Caillebotte. Bonjour. Charles Aleibar. Bonjour. Et moi-même, Mylène Arvel-Bidet, qui sommes étudiants à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse. Aujourd'hui, on vous propose de mieux comprendre quels sont les enjeux des filières françaises agricoles et on fera le focus sur une filière en particulier qui sera la filière poulet de chair. Pour nous aider à comprendre un petit peu les problématiques qu'affronte cette filière, nous avons le plaisir d'être accompagnés de Yann Edelec, directeur de l'interprofession Volaille de chair en vol depuis 2 ans, qui interviendra lors de la deuxième partie de l'émission. Alors Mylène, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est une filière et dans notre cas une filière agricole? Alors c'est vrai que c'est important de rappeler un petit peu les concepts et les définitions. Historiquement, la première fois qu'a été abordé ce terme-là, filière, c'était en 1957 par Goldberg, qui est un docteur en économie agricole, et par Davis, qui a été connu pour ses travaux en agro-industrie. Souvent, vous avez pu l'entendre, le concept filière, ça remplace les termes de chaîne, circuit, secteur ou encore marché. Mais la définition exacte de filière, c'est-à-dire que ça permet de décrire les différentes opérations nécessaires pour passer d'une matière première agricole à un produit fini. Et ici, dans ce podcast-là, on parlera exclusivement de filière agricole qui comprend donc une chaîne d'acteurs. Ok, du coup, tu nous parles d'acteurs. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer qui sont-ils? Alors oui, donc il y a des acteurs, ce sont les producteurs, les transformateurs, les distributeurs qui s'organisent tous autour d'une même matière première agricole. Ok, d'accord. Et donc pour illustrer tout ça, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une filière? Alors oui, c'est important de donner un exemple. Par exemple, si je peux vous parler de la filière fromage, qui est une filière laitière. En premier, on a les producteurs, qui sont les agriculteurs qui vont produire le lait. Ensuite, on a les laiteries qui viendront collecter le lait chez les producteurs, qui ensuite viendront transformer pour le fabriquer en fromage et qui affineront ces fromages-là. Puis ensuite, ces fromages-là, ils seront vendus pour leur commercialisation. Et dans toute cette chaîne intervient l'interprofession qui lie les acteurs entre eux. Ok, donc en gros, les filières, elles servent à structurer les différentes productions agricoles dans le but de nourrir et de parvenir aux besoins de la population. Mais en termes de production, est-ce que la France, elle s'autosuffit? Et bah, du coup, cette notion, elle nous ramène à parler d'autonomie alimentaire et de souveraineté alimentaire. Donc ce sont des mots qu'on entend parler à tout va dans les médias. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Donc l'autonomie alimentaire, c'est la capacité d'un pays à produire suffisamment pour répondre aux besoins alimentaires du pays. Et la souveraineté alimentaire, ce sont les stratégies et les moyens mis en place par ce pays pour parvenir à la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que tout le monde ait à manger. Donc si on devait résumer rapidement, on pourrait dire que l'autonomie alimentaire, ça se rapporte à un concept de production et la souveraineté alimentaire, c'est plutôt un concept de stratégie. Mais pour mieux comprendre de quoi on parle, vous pouvez écouter l'épisode de nos collègues sur la résilience alimentaire. Mais pour revenir à la question de si la France s'autosuffit, en France, la souveraineté alimentaire, elle a évolué depuis les 10 dernières années. Et selon les chiffres de France Agrimer, donc qui est rattaché au ministère de l'Agriculture, pour une bonne part des grands produits de la base alimentaire des Français, la situation prépondérante, on va dire, c'est d'abord celle d'une autosuffisance ou d'une quasi-autosuffisance. C'est-à-dire qu'on a un taux d'auto-approvisionnement supérieur à 100%, par exemple pour le vin, le fromage, le blé tendre, le blé dur, l'orge ou encore le maïs. Donc c'est un résultat plutôt positif, mais il est contrasté. Par exemple, la France est capable de s'auto-approvisionner en blé dur à presque 150%. Or, elle exporte près de 2/3 de ce qu'elle produit, ce qui la rend dépendante à 75% d'importations d'autres pays de l'Union européenne et surtout du Canada. Ok, et là tu nous parles du coup d'importations, mais c'est quoi les produits qui sont les plus importés en France ? Parmi les produits les plus importés, on va retrouver en premier les fruits tropicaux et agrumes, suivi de l'huile de palme et après le riz, le blé dur, soja, viande ovine et poulet. Donc vous l'aurez compris, le but des filières, c'est bien d'organiser les productions agricoles, mais c'est pas si simple que ça, parce que ces filières françaises, elles dépendent de composantes complexes, comme par exemple les normes environnementales, les stratégies politiques, le changement climatique ou encore les normes sociales. Donc, comme l'a dit Chara, il en existe beaucoup des complexes autour des filières, mais ce n'est pas forcément simple de s'en rendre compte quand on ne s'y intéresse pas. Nous, par exemple, ce qui nous en a fait prendre conscience, c'est parce qu'on a mené un travail sur la filière AOP Chasselas de Moissac. Donc, ce travail nous a permis de nous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses filières agricoles qui sont menacées. Pour remettre rapidement dans le contexte, en fait, on a été amené à nous rendre sur le terrain, à Moissac, dans le cadre d'un projet avec l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc, lors de cet exercice pédagogique, on est parti à la rencontre des différents acteurs. Donc, il y a les producteurs, qui sont le premier maillon de la filière. Il y a aussi les metteurs en marché, les grossistes, les grandes surfaces, mais également les organismes de conseil et d'accompagnement qui servent généralement d'intermédiaires. Donc, après une semaine de mise en commun, il est ressorti que... cette filière, elle était menacée par de nombreux problèmes. Donc, je vais vous donner l'exemple de quelques problématiques. Donc, par exemple, on a la production de raisins. Elle est fortement menacée par les aléas climatiques. Et ces aléas climatiques, on le sait, avec le changement climatique, ils sont de plus en plus fréquents. Par exemple, le gel, les fortes pluies ou aussi les sécheresses. La menace, elle vient également des consommateurs qui s'intéressent de moins en moins à ce raisin qui était autrefois un produit de luxe. Mais maintenant, c'est un peu moins le cas. Et enfin, on a la plus grosse menace. Le marché du raisin de table, il est inondé par le raisin étranger, notamment le raisin qui vient d'Italie et d'Espagne. Ce raisin, il est généralement moins cher que le raisin produit en France et donc il est préféré par les consommateurs. Le truc, c'est que les consommateurs en France, ils se sont vus réduire leur pouvoir d'achat et donc ils préfèrent consommer le moins cher. Donc ces problématiques qui sont le contexte environnemental avec les aléas climatiques, le contexte social avec le consommateur et les producteurs qui n'ont pas toujours la même vision de la filière, la concurrence via l'importation, on peut les retrouver dans de nombreuses filières du secteur agricole. Ce n'est pas uniquement la filière AOP Chasselas de Moissac qui est concernée, c'est notamment aussi le cas de la filière avicole et plus particulièrement de la filière du poulet de chat. Donc on va se retrouver juste après la pause musicale, où on fera un zoom sur cette filière avec la participation de Yann Nedelec, directeur de l'interprofession en vol de volaille de chair française, afin de mieux comprendre les enjeux et les menaces qui peuvent exister autour de cette filière. Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poulbeaux. Mais comprenez-moi, la djell là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir. Nous venons d'écouter Poulailler Song de Alain Souchon. Nous sommes toujours sur l'émission Agro J'écoute sur Campus FM avec Jules Caillibotte, Chara Leibar et moi-même, Mylène Arbeludé. Avant la pause, on a pu expliquer un peu ce qu'étaient les filières et on a fait un petit état des lieux dans le cas de la France, ce qui nous a permis de comprendre un peu que leur organisation n'était pas si facile que ça. Maintenant, on va parler d'une filière en particulier, la filière poulet de chair. Et pour nous apporter plus d'informations, nous accueillons Monsieur Nedelec, directeur de l'interprofession volaille de chair en vol. Mais tout d'abord, si on a choisi de parler de cette filière, c'est parce que le poulet en France, c'est une production emblématique. Les poulets sont parmi toutes les filières volailles les plus consommées en France. Il y a près de 4 volailles sur 5 qui sont consommées qui sont des poulets. Mais également, on a choisi de parler de cette filière-là parce que depuis quelques temps, elle subit quelques vagues d'importation, d'Ukraine notamment, ce qui l'impacte fortement. La filière volaille de chair, elle est caractérisée par sa pluralité. En fait, le terme volaille, ça comprend plusieurs espèces. On retrouve les poulets, les dindes, les canards, les pintades, les pigeons et même les cailles. Et la France, elle a maintenu un élevage très divers d'espèces de volailles selon plusieurs modes de production. En complément des élevages standards, qui représentent 80% de la production française, il existe diverses démarches de qualité. On retrouve les démarches de qualité label rouge, bio, AOC ou celles certifiées CCP, qui sont des certifications de conformité produit. Et ces différents labels, ils dépendent de la façon dont les volailles sont élevées, qui comprennent donc le type d'alimentation, leur durée de vie, leur environnement. Et dans toute cette filière, l'interprofession en vol, elle permet de regrouper tous les acteurs du producteur jusqu'à la vente. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir le directeur de l'interprofession, monsieur Yann Nedelec. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter dans un premier temps ? D'accord, Yann Nedelec, je suis directeur de l'interprofession de la volaille de chair depuis 2 ans. Et donc l'interprofession de la volaille de chair, comme vous l'avez dit à l'instant, c'est l'association qui regroupe l'ensemble des maillons de la filière que vous avez décrit tout à l'heure. Alors en ce qui nous concerne, des accouveurs, ceux qui produisent les animaux d'un jour, les poussins, jusqu'à la distribution et à la restauration, en passant par les éleveurs, les abatteurs, les transformateurs, etc. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'interprofession ? En quoi ça consiste une interprofession ? Alors une interprofession, sa première mission, c'est de faire la promotion des produits qu'elle recouvre. Donc nous, en l'occurrence, c'est la viande de volaille. C'est faire aussi la promotion de ses métiers, des différents maillons, pour expliquer auprès du consommateur, auprès du citoyen, c'est quoi nos activités sur le territoire. Et puis, bien entendu, il y a toutes les activités autour de la veille réglementaire, autour de la défense aussi de nos intérêts, notamment on en parlera tout à l'heure face aux importations, et puis tout l'accompagnement des professionnels sur un certain nombre de sujets, notamment techniques. Je pense notamment aux sujets sanitaires avec l'influenza aviaire actuellement. Et pour parler un peu plus de législation, les réglementations qui représentent un enjeu aujourd'hui pour plusieurs filières, on se retrouve dans un contexte où on importe plus de la moitié du poulet qu'on consomme, sauf que dans ces importations, les normes de production ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc on se retrouve un peu dans une situation de marché déloyal, entre guillemets, sans clause miroir. Et du coup, on entend beaucoup parler de ce terme clause miroir. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que sont les clauses miroirs, monsieur Nedelec ? Alors les clauses miroirs, pour l'instant, c'est plutôt un concept, même si les choses elles avancent. C'est en fait très simplement une clause miroir, en tout cas nous, telle qu'on l'a définie, c'est faire en sorte que les mesures ou les règles de production qu'on a en France, qu'on a en Europe, soient les mêmes que dans les pays tiers. C'est-à-dire, je donne un exemple, une clause miroir, par exemple sur le poulet au Brésil, ce serait l'interdiction formelle aux éleveurs brésiliens, à la filière brésilienne, d'utiliser les antibiotiques facteurs de croissance, puisque nous, c'est interdit en France. Donc c'est vraiment une mesure identique, c'est-à-dire c'est pas une équivalence, c'est toute contrainte ou règle qui pèse sur la production en française et en Europe, elle doit avoir en miroir la même dans les pays desquels elle importe les mêmes productions. Du coup, vous venez de nous donner un exemple, et qu'est-ce qu'il y aurait dans ces clauses pour que la France soit à l'égalité avec les autres pays ? Il y aurait beaucoup de choses, et en réalité, je pense qu'on ne pourra jamais avoir, au final, une égalité totale. Alors déjà, il faut quand même avoir en tête que la majeure partie de nos importations, en tout cas une bonne partie de nos importations de poulet, elles viennent de l'Union européenne. Donc là, concernant les règles de production, c'est les mêmes. En tout cas, en théorie, c'est les mêmes. Les règles, la politique agricole commune, elle s'applique de la même manière dans les différents États membres. Ensuite, on a beaucoup de viande, en effet, qui vient des pays tiers, Brésil, Thaïlande, etc. Et là, c'est pas la même chose. Et ce que je veux dire par là, c'est que sur les règles de production, on peut avancer. J'ai parlé des antibiotiques facteurs de croissance. On peut parler aussi de la réglementation environnementale autour des installations classées, par exemple, les régimes d'autorisation, etc. Un certain nombre de règles aussi sanitaires dans les abattoirs, par exemple comme l'interdiction de laver les carcasses de poulets pour éliminer voilà toutes les contaminations. Nous, on n'a pas le droit de le faire en France et ailleurs, on le fait allègrement. Par contre, sur les aspects sociaux ou fiscaux, ça c'est compliqué d'avoir des clauses miroirs, même au niveau européen, puisque c'est pas, en ce qui concerne l'Europe, il n'y a pas de réglementation unique européenne sur le coût du travail, par exemple, et encore moins au niveau mondial. Et on aura eu beau régler tous les aspects production, les mêmes règles de production, par exemple, au Brésil et en France, derrière, ce sera toujours moins cher de produire un poulet au Brésil ou en Ukraine. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on demande à ce que le coût du travail soit plus léger en France, mais il faut quand même avoir ça en tête, c'est que on met en concurrence tout de même des productions qui n'ont pas les mêmes moyens de production, et en l'occurrence ici le coût du travail est important. Et donc pour parler un peu d'actualité, la Commission européenne prévoyait d'intégrer des nouvelles mentions relatives au mode d'élevage qui de base était assez strict, il me semble. Et ces mentions, elles deviendraient facultatives, c'est-à-dire que tout opérateur européen pourra désormais utiliser n'importe quelle autre mention de mode d'élevage sans aucun contrôle. Et du coup, cette réforme concernant l'étiquetage des modes d'élevage devrait apparemment pénaliser la France, de ce qu'on peut comprendre, parce qu'en France, les productions fermières élevées en plein air, en liberté, elles représentent au moins 17% de la production française, notamment via les productions en AOC, label rouge, bio, soit davantage que tout autre État membre en Union européenne. Et donc, cette réforme, elle induira les consommateurs en erreur. On retrouvera potentiellement des produits avec la même étiquette alors qu'ils n'ont pas été produits de la même manière. Est-ce que, monsieur Nedelec, savez-vous où en est cette réforme et comment Envol se positionne face à tout cela? Comment pensez-vous que cela pourrait impacter la filière française? Alors, ce que vous expliquez, en effet, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats au début de l'année 2023 sur le sujet. Justement, nous, en tant qu'interprofession, on s'est mis en marche pour défendre nos intérêts sur ce sujet. Donc on a plutôt des bonnes nouvelles ou des bons échos, puisqu'on a fait entendre à la Commission au début de l'année avec un certain nombre de nos collègues européens que cette révision des normes de commercialisation, puisque c'est de ça qu'on parle, mettait en danger en effet les productions que vous évoquez, plein air, label rouge notamment en France. Donc en fait c'est vrai que ce qui était envisagé c'était d'assouplir, de rendre facultatif l'utilisation ou l'application de certains cahiers des charges, et donc c'est vrai qu'on aurait pu voir fleurir sur le territoire européen des mentions du type poulet élevé au grand air j'ai pas forcément les termes, parce que ces normes telles que plein air, élevé en plein air ou fermier, etc., allaient être moins protégées. Bon, normalement, on a fait, avec nos collègues, comme je le disais, européens, fait en sorte que le texte nous soit plus favorable, ou en tout cas soit moins changé. Et là, par contre, on n'a pas forcément des nouvelles récentes sur le sujet. Il est en cours de consultation maintenant depuis plusieurs mois. Ça a l'air de coincer un peu pour d'autres raisons qui nous échappent au niveau de la Commission. Mais on a fait, j'allais dire, le travail nécessaire pour l'instant pour que nos modes d'élevage soient protégés. Mais voilà, j'ai pour l'instant, on n'a pas encore le point d'atterrissage. Donc je voudrais revenir un peu sur les atteintes sociétales dont on a parlé tout à l'heure. Donc de nos jours, les pressions environnementales et sociales, elles touchent de plus en plus les filières agricoles. En particulier, c'est la notion de bien-être animal qui revient le plus souvent actuellement. Donc par rapport aux importations, le problème c'est que, comme on l'a dit précédemment, c'est les normes de production, elles sont complètement différentes de celles qu'on a en France. Je vais prendre le cas d'un poulet brésilien du coup qui est importé en Europe. Ce poulet, comme vous l'avez dit, quand il est vendu en France, il a coûté deux fois moins cher à produire qu'un poulet qui a été lui produit en France. Mais derrière cela, on peut imaginer peut-être des conditions de travail insuffisantes sanitairement parlant et un bien-être animal quasi inexistant. Donc par rapport à ces questions de bien-être animal, dans un premier temps, comment Envol il pourrait faire prendre conscience ces paramètres de production aux consommateurs français? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, nous, au niveau d'Envol, on n'a pas forcément attendu qu'il y ait de nouvelles réglementations ou autres au niveau de la filière pour avancer sur ces sujets-là, puisque le souci quotidien des opérateurs de la filière volaille, c'est de répondre aux attentes des consommateurs. Et justement, sur ce sujet, il faut avoir quelque chose en tête, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la consommation de poulet, elle augmente, vous l'avez dit, et le maillon, ou en tout cas le segment qui bénéficie le plus de cette augmentation, c'est le maillon du poulet conventionnel, du poulet classique, du poulet standard, notamment via les produits élaborés, via les produits transformés et via la restauration hors foyer. Et ce segment-là de la restauration hors foyer, des produits élaborés, il est surtout capté par les viandes d'importation parce que c'est un marché qui est avant tout, notamment la restauration collective, les cantines, etc., les coûts doivent être réduits. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'importation qui répond aux augmentations de la consommation, à cette croissance-là. Et dans le même temps, nous, on ne parvient pas forcément à y répondre. On a des attentes sociétales, ou en tout cas, il y a un certain nombre d'associations qui nous disent qu'il faut faire plus de plein air, plus de bio, plus de bien-être animal, etc. Oui, il n'y a pas de souci, nous, on est en mesure d'y répondre. Et vous l'avez dit, 17% des volailles sont élevées en plein air. On est le premier pays européen à faire ce chiffre-là. Mais derrière ça, c'est malheureusement le standard qui est, enfin malheureusement, c'est l'importation qui bénéficie des augmentations de la consommation. Donc il faut qu'on puisse aussi répondre à ces attentes-là en augmentant, en développant la production de volailles standard et comme vous l'avez dit, en expliquant tout simplement à la société, aux consommateurs qu'à un moment donné, la priorité, ça doit être de manger français et qu'en l'occurrence, quel que soit le segment qu'on fait de poulet en France, c'est un produit de qualité qui est produit selon des normes strictes, à partir de cahiers des charges qui sont régulièrement contrôlés. Et je vous le disais, on n'a pas attendu les évolutions ou les attentes la réglementation pour faire avancer les choses. On a mis en place ce qu'on appelle le pacte ambition 2025 dès 2020 où on prend un certain nombre d'engagements, notamment l'accès à la lumière naturelle pour 50% des volailles à horizon 2025, la diminution de plus de 60% des antibiotiques depuis 2015, ce qu'on a largement dépassé aujourd'hui, l'approvisionnement en soja non déforesté à 100% en 2025. Oui, il y a tout un tas d'engagements qui sont pris où on n'a pas attendu la réglementation française ou européenne pour avancer. Et aujourd'hui, ça répond aux attentes. Et le problème, c'est que on peut pas produire, si vous voulez, artificiellement à partir d'un cahier des charges si derrière on n'a pas les moyens de le vendre. Si personne n'achète, ça veut dire que ça ne répond pas à une attente. Donc voilà un petit peu ce que nous on met en place. Et toujours pour rester sur ces questions de bien-être animal. Est-ce que Envol est confronté ou a déjà été confronté à certaines ONG, ce qui pourrait peut-être freiner le combat que mène Envol, ou est-ce que plutôt ça vous pousse à agir par rapport à ça? Alors évidemment, notre filière, elle a déjà été confrontée à un certain nombre d'attaques de la part d'ONG, des vidéos, etc. Mais nous, j'allais dire, on continue d'avancer sur le sujet. C'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui pour un certain nombre de ces ONG via la diffusion de vidéos, leur objectif, c'est pas tellement le bien-être des animaux. Et je vous l'ai dit, nous, au niveau de la filière, on répond à ces attentes autour du bien-être animal. À un moment donné, pour gagner sa vie, un éleveur, il doit bien s'occuper de ses animaux. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'un certain nombre de ces ONG, elles, leur objectif final, c'est bien l'arrêt de la consommation de viande et l'arrêt de l'élevage. Et ça, on ne peut pas l'entendre. Et donc, on estime que nous, notre travail, c'est continuer ça, c'est continuer de faire la promotion de l'élevage français, de l'élevage avicole français, du fait que 99,999% des éleveurs et des opérateurs travaillent bien sur notre territoire, apportent une diversité de produits, aussi bien en termes de portefeuille que d'attente. Hein. Je veux dire, on va arriver dans la saison des volailles festives, voilà, on va répondre là aussi à une attente particulière. Mais en l'occurrence, voilà, aujourd'hui, vous avez raison de préciser que c'est un combat, mais on n'est pas non plus dans une lutte effrénée face à des ONG qui sont, dont leur seul objectif, c'est la fin de la consommation de viande. Nous, on avance, on fait de la pédagogie, on explique aux consommateurs ce que c'est la volaille, on explique notre diversité et tous nos atouts et on espère que ça marche. On va maintenant changer un petit peu de sujet. J'aimerais vous parler des menaces des crises sanitaires. Donc, comme on le sait, chaque année, il y a des cas de grippe aviaire qui se manifestent. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est un virus très contagieux qui se manifeste chez les volailles. Chaque année, ça pénalise les producteurs parce qu'ils perdent quasiment toute leur production. Donc, nous, on a entendu parler des canards qui se faisaient vacciner. Est-ce que ça sera le cas pour les poulets? Quelles sont les pistes d'amélioration autour de ça? Les pistes d'amélioration, j'ai envie de dire plutôt les priorités concernant l'influenza aviaire, en ce qui nous concerne et en ce qui concerne l'ensemble des filières, ça reste la biosécurité. La biosécurité, c'est tous les moyens qu'on met en œuvre sur les exploitations agricoles, mais aussi dans les entreprises qui travaillent avec les exploitations avicoles pour limiter au maximum l'entrée du virus et puis ensuite la diffusion du virus. Donc ça, c'est des choses qui ont énormément progressé depuis ces dernières années. Donc voilà, je ne vais pas toutes les lister, mais c'est les sas sanitaires, c'est les tenues, le changement de tenue dans chaque poulailler, c'est des sens de circulation précis, c'est la désinfection, etc. Un peu les mesures barrières qu'on avait nous pour le Covid, mais en puissance 10. Donc ça reste la priorité. Ensuite, on a un deuxième outil depuis cette année, en effet, c'est la vaccination qu'on a décidé collectivement de cibler sur les canards, aussi bien palmipèdes à rôtir, dont l'interprofession de la volaille de chair s'occupe, que les canards à foie gras. Il n'est pas du tout d'actualité demain de vacciner les poulets ou les autres espèces pour plusieurs raisons. Déjà, il y en a bien plus, hein, je veux dire, des poulets, on en produit 6 ou 700 millions par an, enfin entre 5 et 700 millions, les canards en tout, on en produit 60 millions par an. Donc déjà, c'est pas le même dispositif en matière de main-d'œuvre, de vétérinaire, de coûts, etc. Et en plus de ça, nous, on a estimé que c'était prioritairement les canards, puisque les canards, ce sont l'espèce la plus sensible et à un moment donné qui excrétait aussi davantage par rapport aux autres espèces, donc qui était plutôt vecteur de diffusion et donc il fallait à tout prix qu'on freine la diffusion avec une action ciblée sur les canards. Et dernier élément, c'est la question des exportations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est mis à vacciner, on a observé au niveau mondial des pays qui ont décidé d'arrêter d'importer de la marchandise depuis la France, qui estimait que parce qu'on vaccinait, on leur apportait plus suffisamment de garanties concernant les diffusions du virus. Donc on a eu un gros travail de mener colossal hein, avec les autorités sanitaires françaises pour rassurer, sécuriser, donner toutes les garanties qu'il fallait à nos clients, notamment qui nous importaient de la génétique hein, en label rouge, en canard, en tout ce que vous voulez. On a réussi à sécuriser bon nombre de marchés, mais il y a quand même des marchés comme les États-Unis, le Canada, le Japon qui ont fermé leurs frontières et qui demandent encore plus de garanties qu'on va leur apporter parce que contrairement à d'autres pays qui avaient mis en place la vaccination sur les canards contre l'influenza aviaire, nous on exporte beaucoup et donc on répond à un règlement européen avec un dispositif de surveillance qui coûte plus cher en lui-même que l'acte de vaccination. Et ce dispositif de surveillance, là on l'a mis en place au moment où on a commencé la vaccination, il va nous apporter les garanties, nous apporte déjà les garanties qu'on fournira à ces pays qui sont encore réticents à réouvrir leurs frontières et là aussi on a bon espoir de les réouvrir. Mais si on élargit la vaccination, en tout cas nous c'est notre vision, à d'autres espèces, ça va compliquer les choses sur ce sujet-là. Donc il faut y aller progressivement et aujourd'hui on estime que la priorité, je vous l'ai dit, c'est la biosécurité et ensuite c'est vacciner les canards. C'est vrai que la grippe aviaire aujourd'hui c'est un enjeu assez conséquent pour la filière volaille de chair. Mais maintenant on va parler d'un autre enjeu, c'est celui du changement climatique et de l'environnement. Donc les tendances, elles nous indiquent que le développement de la consommation de volaille n'est pas prêt de s'arrêter. En 2017, la viande de volaille est passée devant la viande de porc au titre de la viande la plus consommée au monde. En France, les volailles figurent en deuxième place des viandes les plus consommées. Et d'après l'OCDE, donc, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, sa consommation devrait continuer de croître de 1,5% par an jusqu'en 2027. Donc aujourd'hui, le sujet du changement climatique lié à l'élevage est au cœur du débat. On entend parler de bilan carbone, de consommation excessive d'eau, de gaz à effet de serre ou encore de produits sans réelle traçabilité et d'étiquetage sur leur origine. Mais alors, selon les prospections de Solagro, c'est un bureau d'études en agroécologie à Toulouse, ils ont fait une simulation qui s'appelle After 2050. C'est un scénario de l'agriculture française d'ici 2050. Et bien, dans ce scénario, ils prévoient moins de viande dans l'assiette du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on est à 2/3 de protéines animales contre 1/3 de végétales dans l'assiette des Français. Et ils prévoient l'inverse. Et donc tout ça entraînera une diminution de l'élevage avec plus de fermes en extensif, c'est-à-dire des petits élevages avec de grands espaces. Donc par rapport à tout ça, est-ce que Envol voit un avenir comme celui de After 2050 et comment vous voyez-vous l'avenir de la filière poulet de chair en France ? D'accord. Alors, très bonne question. Déjà, concernant le changement climatique, nous, c'est en effet un sujet qu'on travaille quotidiennement. Alors, l'atténuation, c'est-à-dire quel rôle on peut jouer, nous, la filière, dans l'atténuation, dans la lutte contre le réchauffement climatique et en même temps l'adaptation au changement climatique. Alors, concernant l'atténuation, je vous ai parlé du pacte Ambition 2025 tout à l'heure, où notamment sur l'aspect alimentation, on a pris un certain nombre d'engagements pour s'approvisionner quand on doit s'approvisionner en soja étranger, en soja non déforestant. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, concernant cette atténuation, il faut avoir quand même en tête que nous, en revanche, on n'est pas en faveur d'une baisse de la production française. Concernant la consommation, il n'y a pas de débat sur le fait qu'à un moment donné, chacun devra faire des efforts, faire des arbitrages. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, la consommation de volaille aujourd'hui en France, notamment de poulet, elle est majoritairement en croissance sur la viande importée. Donc ça n'aurait pas de sens d'engager des diminutions de production alors qu'on est incapable de répondre à l'attente française, nous, production française. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, on nous met en concurrence déloyale avec des pays. Donc nous, on estime qu'il faut d'abord cibler la consommation sur les importations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut renforcer l'étiquetage de l'origine pour expliquer au consommateur qui doit exiger l'origine française et réorienter sa production vers l'origine France. Et en soi, je pense que nous, au niveau de la filière volaille de chair, on doit être dans une logique d'augmentation, de développement de la production française pour répondre à ces attentes en substitution des viandes d'importation, puisque là, on importe non seulement de la viande, mais on importe du carbone. On l'a dit tout à l'heure, on importe des modèles sociaux, des modèles environnementaux, des modèles agricoles qui ne sont pas les nôtres. Si on prend l'Ukraine, c'est basé sur des exploitations de type ferme-usine qui ne sont pas du tout les nôtres. Donc ça, c'est vraiment important. Nous, on doit, pour répondre quelque part à cet enjeu, il nous semble important de développer notre production locale, notre production française, pour éviter que les Français, que l'augmentation de la consommation s'oriente vers l'importation comme c'est le cas aujourd'hui. Par ailleurs, concernant notre viande de volaille, notre viande de poulet, elle a quand même des atouts réels sur ce sujet de l'impact carbone, puisqu'on a des poulets, des animaux qui sont efficaces d'un point de vue alimentaire et donc qui rejette assez peu de gaz à effet de serre à l'échelle d'une exploitation. On est de l'ordre de 2 kg équivalent CO2 par kilo de poulet vif. Donc c'est plutôt un bon bilan carbone. Et donc c'est aussi quelque chose qui doit être transmis aux consommateurs qui demain, comme vous l'avez dit, sont amenés à manger de plus en plus de volailles. Merci beaucoup Monsieur Nedelec pour toutes vos réponses et merci d'être venu participer à cet épisode. Donc, vous l'aurez compris, il est quand même complexe de comprendre l'organisation d'une filière et des échanges entre les acteurs qui la composent. En plus de ça, comme on l'a dit, il y a beaucoup de facteurs externes qui viennent constamment perturber cette organisation, comme les importations, les aléas climatiques et environnementaux et les crises sanitaires. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode sur la thématique des filières agricoles. On espère vous avoir appris de nombreuses choses sur celle-ci et sur les enjeux auxquels elle est confrontée. Et on espère également que ça vous aidera dans vos choix de produits alimentaires quand vous irez faire vos courses la prochaine fois. C'était donc Chara, Jules, Mylène et Yann Nedelec sur Agro J'écoute, un podcast dédié aux enjeux des filières agricoles françaises. On tenait vraiment à remercier Radio Campus FM de Toulouse de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui sur ce sujet qu'on a découvert cette année en cours, les filières. Et on tenait aussi à remercier les partenaires de ce projet qui sont l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie. On vous invite aussi à écouter les nouvelles émissions de podcast sur le site Campus FM de Toulouse. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et on espère que vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur ce sujet. Et on vous souhaite à tous une très belle journée.